Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu embariki. Santa délevons-nous pour la lecture. Bila ugawia, tusimame njoo kusoma neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Daniel. Fungue Biblia zetu ndani kitabu cha Danieli. Daniel au chapitre 5. Danieli sura ya 5. Daniel au chapitre 5. Danieli sura ya 5. Dans son verset 22. On sera avec Makum Bil Nambil. Père céleste. Baba Wambingu. Tu es le seul gérant de tous les esprits. Yoye Pekeako Mongozi Wamarozote. Dans ta grande puissance, dans ta sagesse. Katika uwezo wako kubwa, katika hekima yako kubwa. Tu donnes le souffle de vie à tous ceux qui respirent. Unapatia pumza uzima kwa wote wenye kupumua. Tu nous as aussi fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Vile vile ulitufanyia neema kuhesabia katikati ya wale wenye kwa wazima. Parce que tu as un projet avec nous. Njoo kuna mapu nasi. Tu nous aimes tellement, Père. Unatupenda sana Baba. Et tu voudras que nous soyons les participants à tes promesses. Na utapenda tupate kwa washiriki kumalako yako. C'est pourquoi tu nous donnes la vie. Jokomana kwa tupatia uzima. Et dans nos cœurs tu as mis la soif de venir ici pour écouter ta parole. Na ndani ya mioyo yetu uliweka mokiu ya kuwa pa hii fasi ya kusikia neno lako. Il est écrit dans le livre saint. Imeandikwa katika kitabu takatifu. Que toi tu ne peux pas éteindre les tisons qui fument. Le peu d'affection que nous manifestons à ton égard fait en sorte que ce feu puisse croître. Pour ta gloire. Et pour notre vie. Merci Seigneur. Accente Bwana. Descends ce soir maintenant. Sasa shuka mangaribi. Et donne-nous la portion du jour. Na utupatie sehemu ya siku. Nous voulons pas retourner dans nos maisons les âmes vides. Atupendi kurudia manyumba zetu manafsi ya wazi bila kitu. Donne-nous un entendement meilleur. Utupatie usikilivu ya mzuri zaidi. Pour saisir le pourquoi tu donnes cet enseignement. Njia kushika sababu ya nini wewe unaleta hii mafundisho. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Il y a des sœurs et des frères qui sont malades dans les hôpitaux. Kukua ndugu na dada biko bagonjo hospitali. Toi tu es le grand médecin. Wewe ni munganga mkubwa. Tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Uko Mungu mwenye kutuponya kwa magonjo yetu yote. Guéris-les Seigneur. Waponye Bwana. Et ils béniront ton nom. Nao watabariki jina lako. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Qui a fait un déplacement jusqu'en ces lieux. Nyali toka kwa kina kufika mahali. Exauce son vœu. Kubali kinyana penda kutaka. Exauce sa prière. Na utimize maombi yake. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma. Sois honoré. Uheshimishwe. Sois glorifié. Utukuzwe. Édifie-nous. Utujenge. Du début à la fin. Mwanzo hadi mwisho. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tutasoma hapa. Au nom de Jésus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Daniel 5. Daniel sura 5 mstari wa 22. Et toi, Belshazzar. Na wewe Belshazzar. Son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes les choses. Mtoto yake au kunyenyekeze moyo wako hata vile unajua maneno haya yote. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Ulijinua mbele ya Bwana wa mbingu. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Vyombo vya nyumba yake banakuletea bio wewe. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Na unavitumia njoo kunywa mvinyo. Toi et tes grands. Oui, na bakubwa mfalme yako. Tes femmes et tes concubines. Waki wako na wabala yako. Tu as loué les dieux d'argent. Unasifu miungu ya fedha. D'or. Ya zahabu. Terrain. Ya shaba. De fer. Ya chuma. De bois. Ya miti. Et de pierre. Na ya mawe. Qui ne voit point. Inye miungu ayone kamwe. Qui n'entende point. Aisikie kamwe. Et qui ne savent rien. Na ijue kitu hata kimoja. Et tu n'as pas glorifié les dieux qui est dans qui a dans sa main ton souffle et toute ta voix. Na we au kutukuze Mungu mwenye kwa mkononi mwake na pumzi yako na manjia yako yote. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main. Jokamana alituma ikipanda mkono qui a tracé cette écriture. Kinyele andika I andiko. Et voici l'écriture qui a été tracée. Natazama andiko nyele andikwa. Mene. Mene. Esabu. C'est ça même ce qui était écrit sur, sur le mur. Nyele kwa ishe kwa andika kukitabu. Mais dans nos Bibles. Ma Biblia zetu, bana andika. Dans la traduction Louis II, on a seulement interprété. Mais ce qui était écrit sur le mur. Nyele kwa ishe kwa andika kukuta ilikuwa mene. Mene. Mene. Tekel, ou farsin. Et voici l'explication de ce mot. Na tazama fasilio ya imsemo. En principe, dans Darby, c'est comme ça que c'est écrit. Na njo evigo nye kwandikwa mu Biblia Darby. Au verset 25, on donne d'abord l'écriture. Kwanja kumustara makumbi na tano, wanaleta ili andiko inyewe. Qui était écrit en une langue inconnue. Ile kwa nye kwandikwa mu luga ili ajulikani. Et ensuite, on donne l'explication. Mene, M-E-N-E, avec accent. Mene, comme j'ai appelé. Ville natura mkuyasema. Tekel, T-E-K-E-L, comme je l'ai appelé. Ville natura mkuyataya. Ufarsim, U-F-H-A-R-S-I-N. Et voici l'explication de ces mots. Natazama fasilio ya imsemo. Comptez. Esabu. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Mungu alisabia utawalo wako na anaweka mwisho yayo. Tekel. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ulipimwa mkipimo. Na wewe unakutaniwa uko wa upepelo. Ufarsin. Ton royaume sera divisé. Ufalme wako utagawanywa. Et donné au Mèdes et au Perses. Na itapewa kwa Wamedi na Wapersi. Aussitôt Belshazzar. Pale Belshazzar. Donna des ordres. Akaleta maagizo. Et l'ont revêti Daniel de pourpre. Na bakumuvika Daniel nkanju ya kwanga. On lui remit un collier. On lui mit au cou un collier d'or. Bakamweka kikomo kushingo ya zahabu. Et on publia na wakatangaza il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Ya kwamba Daniel atabeba fazi ya tatu mufalme. Cette nuit même ile usiku moya moya Belshazzar roi de Chaldea Belshazzar mufalme wa Chaldea fut tué akauawa. Et Darius, na Darius, mtu wa kumedi, s'empara du royaume, akachukua ufalme, étant âgé de 62 ans, na umri ya miaka, 72. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomea neno lake. Ici, nous remarquons la fin du royaume de Babylone. Apa, tunaona mwisho ya ufalme wa Babiloni. Sur lequel je reviendrai. Yulu yayo nitarudia kwa siku ya mbele. Dieu avait châtié Israël par Babylone, Mungu alia Nebuchadnezzar, Mungu aliapizaka Israël kupitia Babylone wakati Nebuchadnezzar, parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Jo Israël alimwachaka Mungu pour se plonger dans l'idolâtrie. Jo akwenda kujingiza kuabudu kwa sanamu. Et Dieu pour punir son propre peuple. Na sasa Mungu jo kupiza taifa yake. Il a utilisé le roi Nebuchadnezzar, akatumia mfalme Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mfalme wa Babylone, pour leur punir, jutu ya kuwapiza. Comme Dieu châtie la méchanceté par la méchanceté, sa vile Mungu anapizaka uovu kupitia ukali. Lorsque le roi Belshazzar vient dans son orgueil, wakati mfalme Belshazzar akakuya katika kiburi yake, il méprise le vase, akabeula vyombo, le vase de l'Éternel, vyombo vya milele. Il profane les choses saintes, akakufuru vitu takatifu, pour punir le royaume de Babylone. Dieu a quoi pisa au falme à Babylone? Dieu a utilisé les Mèdes et les Perses. Mungu alitumia wa Medi na wa Persi pour les châtier de leurs péchés. Dieu a quoi pika kwa zambi yao, parce qu'ils avaient détruit le sanctuaire de Jérusalem. Jubo walindaka kuharibu hekalu ya Yerusalemu. Nebuchadnezzar en détruisant le sanctuaire de Jérusalem, bomola hekalu ya Yerusalemu, et son fils Belshazzar en utilisant en profanant les vases de la maison de l'Éternel. Mtoto yake Belshazzar mukukufuru vyombo takatifu vya mwekalu ya Yerusalemu. Dieu ne pouvait pas les laisser tranquilles. Mungu hakuwezi kumwacha mukimya. À cause de ces deux péchés, juu ya hii madhambi mbili, Dieu envoya les Mèdes et les Perses. Mungu akatuma wa Medi na wa Persi pour les châtier. Juu ya kuwapiza. Comme nous l'avons montré dans les jours passés, David Lionesha Masika Kumukongo, pour châtier Nebuchadnezzar son père, Dieu a fait pisa Nebuchadnezzar baba yake, à cause de son orgueil, Dieu a kiburi yake, parce qu'il se faisait Dieu, Dieu a alijifanya kuwa Mungu, à cause de sa méchanceté, Dieu a uovu yake, de son injustice et de ses meurtres, Dieu a uzalimu yake na mauaji yake. Dieu lui avait donné un cœur de bête. Mungu alumpatiaka moyo ya nyama. C'est ce que Dieu fait. Dieu ile Mungu anafanya. Quand vous vous plongez dans la méchanceté, wakati unajitumbukiza mubaya, vous plongez dans le péché, unajitumbukiza muzambi, Dieu enverra un méchant pour te châtier. Mungu atatuma mtu muovu nja kukwapiza. Il est le Dieu des armées. Yeye ni Mungu wa majeshi. Il peut utiliser n'importe qui pour accomplir sa volonté. Anaweza kutumia izuru nani juu ya kutimiza tu mapenzi yake. En bien comme en mal. Iwe mubaya wala mvizuri. C'est pourquoi dans les jours à venir, tukaona masiku ya kumbele, Dieu ne laissera jamais impuni, Mungu hataachaka kamwe bila kuapiza, les Romains, wa Roma, les Américains, ou Américains, ainsi que l'Église catholique. Ata kanisa katolika. Ils ne resteront pas impunis. Hawatabakia bila kuapizwa. Dans quelques jours, masiku kidogo, Dieu va utiliser les riches, Mungu atatumia bariki, communisme, communiste, pour frapper, Dieu a kupika, pour punir et châtier, Dieu a kuapiza, pays catholique, ma nchi yote ya kikatolika, qui ont rejeté l'évangile de la vérité, wale walikatala injili ya ukweli, le roi du nord, la Russie, mfalme wa kunor Russie, châtiera Rome, ya tapikaka Rome, et châtiera aussi les États-Unis, na hata États-Unis atapikwa, comme nous le verrons plus tard. Tabeteona masuka kumbele. On a trouvé dans l'église catholique balikuta mkanisa katolika beaucoup de sang de saints, damu ya mingi ya watakatifu. C'est une église qui a versé beaucoup de sang, ni kanisa limwanga sana damu. Et ce sang de saints que l'église catholique a versé, na hii damu ya watakatifu ni kanisa katolika limwanga, ce sang que le royaume romain a versé, idamu falma ki Rome limwanga, ne restera pas impuni. Haitabakia bila kuapizwa. Autant marqué, wakati iliyopangiwa vizuri, Dieu va utiliser les Romains, les riches, Mungu atatumia warisi, le communisme, na communiste, pour le frapper. Njoo kuapika. Les Américains ont versé beaucoup de sang. Les Américains ont mwanga damu sana. Et le sang des justes. Na damu ya wenye haki. Et des innocents. Batu basipo mambo. Crient devant le trône. Kulalamika mbele ya enzi. Et au temps marqué. Na wakati ofa. Dieu les châtiera. Mungu atawapizaka. Par les riches. Kupitia warishi. C'est pourquoi quand vous lisez le message. Kutoma ujumbe. Frère Banam attire notre attention sur le roi du Nord. Kwa navuta angalisho yetu juu ya mfalme wa kunor. Il dit, attention avec le roi de Nord. C'est une arme dans la main de l'Éternel. Si vous remarquez, ce n'est pas pour rien que les riches sont très têtus. Et militairement, ils sont plus avancés que les Américains. Mais ils ne peuvent rien faire. Lakini hawawezi kufanya kitu avant le temps de Dieu. Mbele wakati ya Mungu. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini de traiter avec Israël. Wakati wote Mungu hayamaliza bado kutumika na Israeli. Alors qu'il utilise les Américains comme les boucliers ou les soldats d'Israël. Wakati ile anatumia wa Américains sa askari wa kombania Israeli. Dieu préserve encore les États-Unis. Mungu anaendelea kulinda wa Américains. Jusqu'à ce que ses plans s'accomplissent sur Israël. C'est à ce moment-là que le roi du Nord fera son travail. Tous les pays catholiques seront sévèrement châtiés. Et même si aujourd'hui vous regardez dans le monde, ce sont les pays catholiques qui sont les pays les plus endettés. Les pays dans lesquels on trouve beaucoup de désordre. Et même la politique de ces pays-là est instable. Les économies de ces pays sont instables. Tous ces pays catholiques sont entre les mains de Satan. C'est pourquoi même notre pays ici, quand j'entends les gens dire c'est un pays de Dieu, c'est un pays de Dieu, regardez comment l'église catholique est en train de s'immiscer dans toute la politique de la République. Dans tous les pays catholiques, on ne peut pas parler de la politique sans qu'on ait cité l'église catholique à la tête. Et c'est une église qui est bien écoutée. Mais le temps viendra. Dieu se vengera. La vérité a été a porté dans ces pays catholiques, ukweli, dans tous ces pays catholiques. Ukweli, litangaziwa mule mainchi yote yenye kutawaliwa na dini ya katolika. Et mais ces gens, tous ces pays l'ont rejeté. Lakini mainchi yote ilitupa ile ukweli, ilikatala kuyaitika. Aujourd'hui, les églises protestantes. Leo makanisa ki protestanti ne protestent plus. Aipinganishe tena mafundisho fulani. Elles sont derrière leur mère. Yote inakuwa kumkunga mama yabo. Qui les a tous entraînés dans la politique. Ule anabaongoza bote musiasa. Ils ont le même langage, la même vision. Moya, onyo moya. Et tous ceux qui applaudissent. Na wale wote wenye kupiga mikono na kufurahikia. Et qui sont derrière la politique de l'église catholique. Na beko kumkunga ile siasa kanisa katolika. Et tout ce qu'elle est en train de faire. Na ile yote kanisa katolika. Par la voix des politiciens. Kupitia mafanya siasa. Ils seront châtiés. Watapizwa. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Banduku na madada wa mingi. Rateront l'enlèvement. Watakosa kunyanyuliwa. Parce qu'ils apprécient le comportement de l'église catholique. Ndugu wanafurahikia mwenendo wa kanisa katolika. Ils oublient que c'est une église qui est entièrement sous le pouvoir du diable. Et c'est elle qui est en train de diriger toutes choses. C'est vrai, frère. Le méchant sera puni par les plus méchants. Quand quelqu'un est méchant, pour qu'il soit châtié, on lui envoie un plus méchant que lui. Le Mède et les Perses étaient plus méchants que les Chaldéens. C'est pourquoi même que lorsque nous verrons la vision de Daniel, vous verrez que Nebuchadnezzar au Babylone est représenté par un lion. Mais les Mèdes et les Perses sont représentés par un ours. L'ours est plus agressif que les lions. L'ours n'aime pas les dérangements. Il est très mordant. Nous n'avons pas les rois. C'est pourquoi il faut fuir le péché. Il faut fuir l'idolâtrie. Parce que c'est le péché qui abaisse une nation. C'est le péché qui fait tomber un peuple. Le péché corrompt une nation. Le péché corrompt l'individu. Vous voyez, une famille ou une église. Et quand les gens vivent dans le péché, ils sont plus orgueilleux qu'ils ne peuvent pas écouter ce que Dieu dit. Ils ne peuvent jamais prêter attention aux avertissements de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils seront punis. Dieu aussi va compter. Il va d'abord peser. Chacun de nous sera pesé dans la balance de Dieu. Comme une fois, le pasteur Kimé de Kabongo avait chanté ce cantique. Chacun de nous, les actions de chacun de nous, sera pesé dans la balance de Dieu. Mais si vous vivez dans le péché, vous êtes léger. On va compter. Les œuvres que tu as faites, on va les peser dans la balance de Dieu. Quand on va diviser, on met fin à ta vie, à ton comportement. Et vous tomberez dans la ruine. Tout homme qui vit dans le péché tombera en pourriture. Sa fin est certaine. Son châtiment est certain. Dieu met fin à l'orgueil de tout homme. Il met fin au péché de tout homme. Il mettra fin à l'idolâtrie de tout homme. Pour que tout le monde comprenne qu'il est le grand Dieu, c'est lui seul qui règne. C'est vrai, frère. Dans Daniel au chapitre 6, Daniel y sera cité. Dans Daniel au chapitre 6, le kitab à Daniel y sera cité. Ici nous voyons apa tunaona Daniel sous Darius, sous le règne de Darius, Daniel, le roi des Mèdes. Mu utawalo ya mfalme Darius, mu kubwa wa Medi. Nous voyons ici au chapitre 6. Tunaona hapa msura sita Daniel. Le preuve de Daniel. Kipimo wa Danieli. Dans la fosse au lion. Mule mshimo ya simba. Au verset 1, l'Écriture dit. Darius, après que Darius ait vaincu les Chaldéens, kisha Darius kuina na kutawala wa Kaldea, et qui s'est emparé, qui se sont emparés du royaume, na kisha kunyanganya ufalme, c'est maintenant lui qui régnait en maître absolu. Sasa yeye ndio alikuwa mkubwa mtawala peke yake. Et pour se rassurer du contrôle de son royaume, dans le verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, ce sont des gouverneurs. Darius, akaona mzuri kuweka yule ufalme wake wa uongozi wa gouverneur 120 waliwali. Qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, nakati yao mmoja alikuwa ni Danieli, afin que ces satrapes ili hao waliwali leur rendent compte apate kuleta ripoti, et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Na mfalme ashangaishwe kabisa. Darius a usé de cette politique. Darius alitumia hii siasa. Il prit 120 gouverneurs qu'il établit dans chaque province. Akabeba waliwali 120 bali aliweka mkila jimbo. Mais au-dessus de ces provinces, lakini yule ile majimbo, il établit trois chefs. Akaweka wakubwa tatu. Dont l'un d'eux était Daniel. Na mmoja wale tatu alikuwa ndio Danieli. Pour que Darius, il Darius ait toutes les informations de son royaume. Et qu'il ait une mise sur tout son royaume. Au verset 3, Daniel surpassait tous les chefs Daniel et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ndani mwake mulikuya roho moya ya juu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Na mfalme alianza kuwazia kumweka yule ya ufalme yote. Daniel, serviteur de l'Éternel. Daniel mtumishi wa milele. Dieu lui avait doté une sagesse supérieure à tous les hommes. Et que ce soit parmi les gouverneurs, que ce soit parmi les chefs, les trois chefs, parmi les trois chefs, qui étaient établis sur le royaume, personne ne pouvait s'égaler à Daniel. Akokuwa tamu moya kati yao aliweza kupimana na Daniel. parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Cet esprit ici ne venait pas des études de Daniel. L'esprit supérieur qu'on retrouve dans Daniel est l'esprit de Dieu. Et le roi Darius avait vu cela. Il avait une haute sagesse. Il avait une haute intelligence. Il avait un haut discernement. De telle manière que les autres ne pouvaient pas s'égaler à lui. Et le roi avait vu cela. Et il avait résolu de placer Daniel au-dessus de ses trois chefs et au-dessus de tous les gouverneurs. Mais ce projet du roi ou cet acte du roi créa de la jalousie parmi les deux chefs et parmi tous les gouverneurs. Bien aimé frère et soeur, même dans chaque travail, quand on le fait très bien et on maîtrise bien son domaine, cela vous attire des ennuis. Des fois dans toutes les sociétés, ce sont des fainéants qui veulent être des chefs. Ils veulent les faveurs de grands. Pour dominer les sages ou ceux qui maîtrisent le métier. Mais quand celui qui maîtrise le métier ou le travail est élevé, il est apprécié par les chefs, tous ses collègues ne l'apprécient pas. C'est pourquoi vous verrez même dans les même les frères qui travaillent dans les sociétés, ils sont beaucoup combattus à cause du maîtrise de ce qu'ils font et à cause de leur honnêteté. Il y avait un frère qui travaillait à Boss Mining. Il faisait bien son travail, il était très apprécié, très intelligent. Quand un problème se pose au travail, ou quand on lui donne un travail, une tâche à faire, quand il s'y met, il a toujours du succès. Et ses collègues l'en voulaient. Et il montait des pièges de gauche à droite pour que le frère tombe dans ses pièges. Mais heureusement, chaque fois qu'on tendait un piège, mais Dieu était toujours avec lui et cela s'avérait toujours faux. À cause de la sagesse, de l'intelligence, Dieu a acquis. Et il faisait bien son travail, son savoir-faire. Il était calomnié. J'ai eu l'occasion de parler avec l'un de ses collègues et l'autre un de ses chefs. Il pose la question, en réalité, qu'est-ce que vous accusez au frère? Il dit, il me répond, rien du tout. Mais seulement il est orgueilleux. Lakini yeye ni wa kiburi tu. Parce qu'il veut qu'on lui donne, il veut qu'on lui donne tout. Penda, il veut qu'il fasse tout. Juu yako napenda ka yenjo aanze kufanya vitu vyote. Maintenant il a influencé même les chefs. Sasa anavuta na wakubwa kazi. Qui de temps en temps lui donne des tâches. Maintenant s'il doit tout faire. Qu'allons-nous faire aussi? C'est humain. C'est une situation qui se trouve parmi les humains. La maîtrise de ton travail t'attirera des ennuis. Tu vis, tu travailles avec des voleurs. Quand ils veulent voler, ils veulent t'associer, dans le vol, toi tu refuses. Ça t'attire des problèmes. Je ne vais pas parler de tout ça. Mais regardez dans Ecclésiaste chapitre 4. En parlant de la jalousie, même dans les commerces, même à l'école, dans les sociétés, dans les trafics au marché, partout où un véritable chrétien est en train d'opérer, il est toujours haï. Il y a de la jalousie contre lui. Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'église est avec moi. Maintenant vous les frères qui travaillent. Ecclésiaste 4:4. Si maintenant vous avez des problèmes au travail, parce que vous faites bien votre boulot, ne vous en faites pas. Le Dieu que vous servez vous combattra pour vous. Ne cédez jamais en tant que chrétien à la pression de Satan. Et n'entrez jamais dans les mouvements. Même dans les sociétés où vous êtes, ne soyez pas dans des groupes. Les groupes tribaux, il ne faut pas y être. Vous allez vous suivre. Soyez identifiés là où vous êtes comme un chrétien, comme une chrétienne. Dieu combattra pour vous. Et cela va vous épargner des ennuis avec Dieu. Vaut mieux avoir des ennuis avec les hommes tout en combattant pour la vérité et pour Dieu, plutôt qu'avoir des ennuis avec Dieu tout en cherchant les faveurs des hommes. C'est une grosse erreur. Est-ce que vous suivez cela? Partout où vous êtes et dans ce que vous faites, cherchez la faveur de Dieu. Peu importe l'opposition, peu importe la haine, peu importe la jalousie que les hommes peuvent manifester contre vous, qu'ils soient sur le bâtonne, qu'il soit chef de chef, aussi longtemps que tu défendras la parole de Dieu, tu auras toujours l'approbation de Dieu, et dans cette épreuve, vous y sortirez toujours vainqueur. Mais si vous craignez les hommes, vous craignez leurs menaces, vous craignez leurs persécutions, vous méprisez la parole de Dieu, vous brisez la parole de Dieu, vous aurez des ennuis avec Dieu et vous serez châtié. Et celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Israël est tombé dans les pièges parce qu'il craignait les hommes. Mais nous, nous devons craindre Dieu. Alors, regardez le verset 3 là où nous étions. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors, le verset 4, alors les chefs et les satrapes, voyez, Daniel était un contre tous. Mais il n'était pas seul. Il était avec le Tout-Puissant. Il était avec l'invisible. Quand tu te sens seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré par la main de l'Éternel. Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'était un homme terrible. Les chefs et les gouverneurs, ils cherchaient une occasion pour accuser Daniel, afin qu'il soit écarté. Mais ils n'ont pas pu trouver aucune occasion. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant que chrétien, là où tu es, ne donnez jamais l'occasion aux méchants de t'accuser. N'ouvrez pas une brèche par où les méchants peuvent entrer pour t'accuser. Non frère. Non ma soeur. Et pour ne pas donner aux méchants de vous accuser, le secret se trouve dans notre fidélité à la parole de Dieu. Vivez seulement la parole de Dieu partout où tu es. Satan ne trouvera pas d'occasion pour t'accuser. Ne soyez jamais un chrétien de circonstances. Aujourd'hui tu es chrétien. Et demain tu commences à agir comme un païen. Na kesho unaanza kutenda kama mpagano. Quand on te propose un petit montant, bah tu connais l'été à kufranga kidogo, pour voler n'importe quoi, juibe aizuru nini, ou pour faire n'importe quoi de mal, wala njufa kitu gani kibaya, pour rejeter, pale unatupa. Lorsqu'on vous offre une grosse somme, pale bakutoleta franga ya mingi, des avantages considérables, mafaida moya mnene, vous regardez aux avantages, unaangalia kule mafaida, et vous cédez, pale unaitika. Leur a donné une occasion, pale unawapatia bahati, frère, ndugu. Par cette écriture, kupitia andiko tunapasha kuelewa ya kwamba dans tout ce que nous faisons dans notre vie, katika maneno yote tunafanya maisha yetu, Satan est en train de nous observer, Shetani yuko anatuangalishisha, en toute chose, katika maneno yote. Satan n'attend pas que tu commettes beaucoup d'erreurs, upate kutenda makosa ya mingi, ou de graves fautes, wala makosa minene hapana. Quand tu fais quelque chose, wakati unafa kitu fulani, Satan note, Shetani ananjika, les païens note, wapagano na buba ananjika. Quand tu agis, unatenda, il note, wananjika. You know, est-ce qu'on peut l'accuser ici? Ils vont dans un laboratoire, wanenda mulabo yabo. Il dit, il a fait ça, il n'a pas brisé cette loi. Il trouve là, wanaona kuta mule, et même leur conscience bon, dit, bon, yabu, le bonesha, il n'a rien fait ici, hapa, kuna kitu la kibaya, asikufunja ta sheria moja, wananyamaza kimya, lakini balikuwa shaandika. Soyons prudents. Tu erevu. Il y a un carnet qui est ouvert du côté de tous les méchants à votre égard. Vous êtes dans la visée de tous les païens. Ne faites rien de mal même lorsque vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir un œil qui vous observe quelque part. C'est pourquoi il faut tirer très attention. Ne donnez jamais l'occasion aux méchants de vous accuser. Ne donnez jamais aux méchants l'occasion, une occasion, de vous reprendre. Restez fidèle à la parole. Baki mwaminifu kuneno. Vivez la parole. Uishi neno. Évitez les erreurs dans ce que vous faites. Mwepuke makosa mwile mungu nafanya. Évitez les erreurs. Mwepuke makosa dans votre vie. Maisha yako. Évitez des fautes. Mwepuke makosa. Évitez de mauvaises choses. Mwepuka bitu bibaya. Évitez même l'apparence du péché. Ata hali ya zambi, kuonekana tu kwa zambi. Évitez toute voie du mal. Mwepuke njia yote ya bubaya. Il faut tout éviter. Napasha kuepuka biote. Quand vous voyez les flatteries des païens, ukiona tu ou des païens, ile kukufurahikia kwa bongo kwa bapagano. Ne pensez pas qu'ils vous apprécient. Ushuazia kwamba wao wanafurahikia hapa ni bongo. Quand quelqu'un croit que les païens sont d'accord avec lui ou avec elle, il est séduit, elle est séduite. Le monde ne nous apprécie pas. Le monde ne nous aime pas. Où est bien mes frères? Ce que le monde veut, ce que les méchants veulent, c'est voir ton malheur. Il te tend des pieds de gauche à droite. C'est pourquoi ne leur donner aucune occasion alors de vous accuser, de me dire la parole de Dieu. Non, bien aimé frère, évitez l'apparence du mal, même dans votre habillement. Évitez de mauvais langages, de mauvaises paroles, de mauvais propos. Évitez de marcher avec des gens flou-flou. Tu marches avec des prostituées, avec des voleurs, même si tu ne le fais pas. Mais tout le monde dira, Est-ce que des hommes peuvent marcher ensemble sans être conflit conservé? Même le monde te dira, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Évitez les parents du mal, évitez les fautes, même dans le travail, évitez les fautes. Quand ton chef te donne un travail, fais-le correctement, vérifiez-le minutieusement, vous serez quitte et devant les gens, et devant Dieu. Ne leur donnez pas l'occasion de, mettre, de me dire la parole de Dieu et de vous accuser. C'est vrai. Et ces hommes disent, dans le verset 5, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. Nous ne trouverons jamais. Si vous voulez attendre, si vous voulez voir que Daniel fasse une faute, vous pouvez Daniel à Kotole. Ou qu'il brise la loi. Voilà, pas de kufunja sheria. Ou les lois du royaume. Voilà ma chérie au falme. Vous attendrez longtemps. Donc, il ne peut ni prendre la femme de quelqu'un. Voilà, il ne peut ni faire de l'injustice. Voilà, kufanya uzalimu. Dans son jugement. Katika hukumu yake, kwa moka il ne peut yake. Ni franchir. Awezi, ata kuacha uru. Les lois kufunja du roi. Ma chérie au falme. Nous attendrons longtemps. Donc, Gojia sana. Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. À moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Satan est sage. Hein? Il sait faire bien ses calculs. Il dit pour saisir Daniel. Il faut seulement aller dans sa loi. La loi de son Dieu. Soit vous l'amenez à briser la loi de Dieu. Voilà, à ce moment-là, son Dieu va le châtier. Soit vous l'amenez à conserver la loi de son Dieu et à briser une loi contraire à faire de son Dieu. Daniel était un chrétien. Daniel est quoi comme Christ? Daniel n'était pas comme nous les chrétiens d'aujourd'hui. Daniel est quoi que ça va Christ ou aller au Shiaba? Et cet homme sur qui nous parlons n'était pas né de nouveau. Daniel n'était pas né de nouveau. Il avait ses macas. Quand les gens disent, il a en lui l'esprit supérieur, c'est seulement l'onction du Saint-Esprit qui était dans son esprit. Mais lui-même était sous l'alliance de sang de bouc et de taureau. Il était pas né de nous. Nous devons avoir honte vis-à-vis de la vie de Daniel. Quelqu'un qui n'est pas régénéré. Le royaume entier est incapable de lui pointer les doigts. Il reste fidèle sous le sang des boucs et des taureaux. Quand serait-il avec nous qui sommes sous le sang de Dieu? Cela est fou. Il est mbaya. Vous trouvez un frère ou une soeur, on a coûté un duc ou à la dada. Il est l'un des nouveaux prostitués. Et comme vous savez comment rapide la kinindumba. Voleur. Moïse. Menteur. Mwongo. Plein de la haine. Mwekujana chuki. Calomniateur. Plein de la jalousie. Mwekujana bwivu. Plein de l'envie. Mwekujana tama. Plein de la colère. Mwekujana asira. Un bagarreur. Injurieux. Wakufukanana. Non frère. Abana nduk. Cela est fou. Il est ni bongo. On trouve des frères et des sœurs pour les points Il brise sa virginité, la fille brise sa virginité. Non, frère. Pour avoir un petit diplôme qui n'a même pas de signification, il doit corrompre. Non, frère. Quelle nouvelle essence. Vous trouvez un frère né de nouveau. Il est dans un groupe de voleurs. Dans la société. Non, frère. On doit avoir honte. Ce n'est pas honnête. Aina ya sawa. Bien aimé frère et soeur. Wapendwa nduku na dada. Ces hommes se disent. Hao watu wakasema moja na mwingine. Nous ne trouverons aucune occasion. Atuta pataka baadhi ya ndugu, cette chance là, cette occasion là. Daniel, ne nous accordera jamais cette occasion là. Cette occasion pour pouvoir l'accuser. Daniel, ne pourra jamais nous en accorder. À moins que nous n'en trouvions même dans la loi de son Dieu. Frère, nous devons mener une vie irréprochable. J'avais parlé de ça dans cette église. Vous n'avez pas compris. Et j'avais même insisté 3 jours. Oui. Que le Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire du ciel, c'est lui qui a conçu le plan du salut. C'est lui qui l'a réalisé au voie du calvaire. Il a compris au voie du calvaire. C'est lui qui le réalise en nous. Ne viendra jamais chercher une épouse réprochable. Vous vous souvenez de ça? Un homme sous le sang de bouc et de taureau. Mener une vie irréprochable. C'est vrai. Nous sommes des faux chrétiens. Tout des fausses chrétiens. Quand on regarde notre vie, il y a beaucoup de choses à redire. C'est déshonorant. C'est déshonorant. Nous devons tous mener une vie irréprochable. Nous étions dans les dénominations. Nous vivions une vie souillée. Parce qu'on n'avait pas la parole de Dieu. On recevait une nourriture hybride. Une parole hybride ne peut libérer les gens du péché. Les mensonges Bongo ne peut pas libérer les gens watu de l'esclavagisme du péché. Wazambi. La vérité libère. Ukweli, vous connaissez la vérité. Ukweli, et la vérité ukweli, vous affranchira. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dis quoi? Cette dernière portion de la grâce. Le message étant de la fin. La vérité, la dernière partie de la vérité biblique. De l'évangile. On vous apporte la vérité. On vous enseigne la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas franchi? Pourquoi vous ne vivez pas au-dessus du péché? Pourquoi vous avez une vie compromettante? Pourquoi vous êtes réprochable? Cela est faux. Nous avons beaucoup de faux chrétiens et de faux frères et de fausses sœurs. Comme le Saint-Esprit nous l'a dit le vendredi, les gens qui ont adhéré à l'église où on prêche le message, mais qui n'ont jamais compris le pourquoi du message, pourquoi Dieu a envoyé le message. C'est une honte. Quand on voit dans les églises, parmi les gens qui se disent quoi le message, les pasteurs couchent avec les gens de l'église, on engrosse les jeunes filles, les jeunes frères engrossent les gens, les jeunes filles. C'est une honte. Ça ne doit pas être ainsi. Un chrétien a un devoir sacré de mener une vie irréprochable. Aujourd'hui, les couples de chrétiens, de soi-disant voyants du message, il y a tous les désordres. Il y a tout sauf Satan. Il y a tout sauf Dieu. On trouve certains couples, hein? Satan va se promener partout, mais il vient dormir dans leur couple. Et entre temps, je crois le message du temps de la fin. Il y a des cœurs de ceux qui ont adhéré au message du temps de la fin. Satan va se promener partout chez les catholiques, chez les hommes catholiques, partout là il va, chez les pentecôtistes. Mais le soir, il vient se loger, se reposer dans son cœur. Quelle honte! Que diras-tu face à Daniel? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, je vais terminer par là, nous allons continuer, je vais arrêter par là. Dans son verset 10, vous êtes témoins, c'est Paul qui dit, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. La sainteté ne doit pas être un slogan, un enseignement. La sainteté pour nous doit être une vie. Nous devons mener une vie irréprochable. Comme notre temps est arrivé, on va continuer. Levons-nous pour la prière. Nous devons mener une vie irréprochable. Ça ne sert à rien de se réclamer du message. Je crois au message du temps de la fin. Je crois au message. C'est nous qui irons dans l'enlèvement. C'est faux, frère. On ne doit pas, nous ne devons pas que chacun de nous prenne une décision ferme, une résolution ferme dans son cœur, de ne jamais donner aux païens une occasion de l'accuser, de médire la parole de Dieu, de médire cette église par sa vie, par son comportement. Si vous travaillez au marché, soyez un vendeur, une vendeuse, irréprochable, fidèle à Dieu, menez une vie sainte, une vie juste. Vous travaillez dans une pharmacie. On a tout mis comme pharmacie. Vous travaillez dans l'hôpital, dans un centre. Comme hospital, dans la société. Campuni, ayez un témoignage pur. Soyez irréprochables. Je l'avais dit autrefois. Dans un message. Qu'est-ce vous allez voir? Si vous travaillez quelque part, même si vous travaillez pour l'État, vous êtes dans la fonction publique, vous trouvez que votre salaire est insuffisant. Pour vous aider à mener une vie honorable, simple, une vie irréprochable. Abandonnez ce travail. Dites à Dieu, j'abandonne ce travail à cause de toi. Donne-moi notre travail. Et Dieu vous donnera un autre travail. Où tu seras correct, irréprochable, tu ne donneras pas aux méchants l'occasion de t'accuser, d'accuser la parole, de me dire Dieu et de me dire l'Église. Prions. Seigneur, merci.